Le tournoi des quarts s'est terminé hier et pendant le Super Bowl, on parlait de ça. Donc, victoire de Jennifer Jones qui a battu Kerry Anderson à 8 à 6. On en parle et on va parler surtout aussi de la performance de l'équipe du Québec avec le descripteur du curling à RDS, Alain Giraud. Bonjour Alain. Oui, salut Dani. Alain, question avant tout technique. Pourquoi on fait la finale du tournoi des quarts en même temps que le Super Bowl? Je me dis que les codes d'écoute, ça doit être assez ordinaire. C'est spécial, Danny, cette année. Le tournoi des quarts n'a jamais lieu à la fin du mois de janvier. Parce que, regarde, l'Association canadienne, on n'est pas plus fou que d'autres. On sait très, très bien dans quelle situation qu'on se trouve. Mais c'est le tournoi olympique qui fait en sorte qu'on voulait pas disputer le tournoi des quarts en même temps, là, comme ça avait été le cas à Montréal, par exemple. Où là, ben, le tournoi olympique porte ombrage là à ce qui est le championnat national. Donc, c'est l'unique raison. Puis, à un moment donné, ben, le calendrier est limité. Donc, parce que tu regardes, là, on s'en va pratiquement jusqu'au début du mois d'avril avec les trois semaines olympiques qui rallongent la saison déjà. Donc, tu peux pas tenir ça au mois d'avril. À ce moment-là, ben, regarde, l'autre option, c'est de devancer le tournoi avant les Jeux. OK. Donc, pas vraiment de surprise, Jennifer Jones? Non, bien honnêtement, je pense qu'elle était en mission quand elle était arrivée, même si ça a peut-être été un petit peu plus compliqué qu'elle pensait, là. Si t'as vu le match, elle aurait carrément pu perdre le match dès le deuxième bout. Mais Kerry Anderson a manqué une opportunité en or là, d'asséner un coup qui aurait pu faire très, très mal à Jones. On ne voit pas très bien, surtout du côté de la deuxième, de la troisième plutôt, qui était une remplaçante, il faut bien le souligner. Mais regarde, quand elle est arrivée là, moi, l'idée, en tout cas, écoute, j'ai pas d'informations spéciales, mais ce que ça me donnait comme impression, c'est qu'elle est arrivée à ce tournoi-là pour le gagner. Okay. Pourquoi? Ben oui, tu dis, on participe à un tournoi toujours pour le gagner, là, mais il y avait quelque chose de spécial un peu là-dedans. Est-ce que c'est son dernier tournoi? C'est surtout ça. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être le champ du cygne. Et c'est avec un... vraiment, là, avec, je te dirais, là, une mission en tête, là, qu'elle s'est lancée dans ce tournoi-là. Comme je te dis, c'est une impression qui est tout à fait personnelle. J'ai pas d'informations privilégiées, mais c'est l'impression que ça m'a donné pendant ce tournoi-là. OK. Juste par curiosité, comment ça donne en bourse, hein? Il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse, OK. Ça, mais un paquet d'avantages, comme la participation, par exemple, au championnat du monde. T'sais. Ah, OK. Les bourses, on va les ramasser dans les tournois du Grand Chelem. On va les ramasser quand t'es à la Coupe continentale. Il y a peut-être des montants là, qui sont impliqués là-dedans, mais honnêtement, là, j'ai zéro idée de ce que ça peut être. Okay. Oui, ça se peut qu'il y ait un montant d'argent, là, mais j'en ai aucune idée. Là. OK. Alain, on va parler maintenant de l'équipe du Québec. J'ai fait une table ronde. J'ai parlé avec Joël Gagné, l'entraîneur. J'ai parlé avec Mélina Perron de Dolbeau-Missassini qui était là-bas également. Eux, ils reviennent. Ils devaient être très, très fiers, je peux te dire. Hey, savais-tu que Joël Gagné n'était même pas qualifié pour aller entraîner à ce tournoi-là? Ah oui. Donc, ça te donne une idée, là. On n'est pas prêt, là. Il y a une dérogation de Curling Canada pour le tournoi, puis il y a 2 ans à réussir ses cours pour être certifié entraîneur, pour retourner au tournoi des quarts. Ça te donne une idée comment que cette équipe-là, puis à quelque part, là, ils n'ont pas eu de la fou du tout, là. Cette équipe-là n'a pas eu de la folle du tout. Pas du tout. Ces filles-là sont arrivées là. Avec une légèreté, je pense, qui les a aidés. À un moment donné, par contre, on s'est mis à penser qu'on avait peut-être une chance de participer au deuxième tour. Et est-ce que ça a changé un peu leur façon de faire? Je ne sais pas, faudrait parler à leur entraîneur, mais c'était rafraîchissant de les voir jouer. C'était évidemment l'équipe la plus jeune qui était sur place, là, de loin. Là. Mais elles ont très bien conjugué avec l'environnement. Je parle pas de pression, là, je parle d'environnement, parce que c'est pas du tout la même chose, là, qu'un tournoi là, qui s'amuse à dire souvent comme le tournoi des dindes de la fin de semaine. Il y a une présence médiatique, les gens sont sur place, les gens veulent vous voir, veulent vous parler, veulent vous toucher, veulent avoir votre signature. Bref, vous êtes sollicité de part et d'autre. Puis comme l'équipe du Québec, l'histoire était quand même un peu spéciale. L'équipe n'a même pas remporté le championnat provincial junior dans sa province et qui se retrouve au championnat national. C'est pas arrivé très souvent. Oui, c'est arrivé, mais je veux dire, tu peux compter sur les doigts d'une seule main. Là. Donc, tu sais, tu te retrouves dans une situation comme celle-là, tu t'y attends pas. C'est une simple et belle histoire. Et les filles, bien franchement, compte tenu, comme je te dis, de tout ça, de tout ce qu'il y avait à apprendre. Ah oui. Tu sais, c'est pas seulement là, c'est tout ce qu'il y avait à apprendre. Et pendant ce tournoi-là, ben tu te dis, c'est un simple et beau bagage pour la suite des choses. Est-ce que, question par curiosité, c'est pas l'insulter du tout, il me l'a dit lui-même, je n'étais pas qualifié pour aller là, mais l'entraîneur d'expérience, aurais-tu pu améliorer un peu la performance des filles? Écoute, OK. C'est une bonne question à laquelle Guy Hemmings pourrait probablement te répondre davantage. Okay. C'est sûr que, bon, je pense que l'entraîneur a peut-être été un petit peu modeste. Il n'y a personne qui connaît probablement mieux les filles que lui. Donc, c'était probablement, à ce moment-là, l'homme le plus qualifié pour être sur place. Tu comprends ce que je veux dire? Avec un adjoint, peut-être, pour le diriger lui-même. Ben, peut-être sur le plan stratégique, oui. Peut-être qu'il y aurait eu besoin. Mais la personne qui connaît mieux cette équipe-là, c'est la personne qui devait être là-bas. Si tu me demandes, là, objectivement, là, si tu avais une personne pour accompagner cette équipe-là, c'est la personne qui connaît le mieux l'équipe. Puis je pense, tu sais, on pourrait évidemment faire une liste des qualifications requises pour s'y trouver, mais tu comprends que c'est un contexte un peu spécial. Donc, il est un petit peu modeste en disant qu'il n'y avait pas d'affaires là. Mais moi, je pense au contraire. Compte tenu là, de ce qui était requis pour être là-bas et des circonstances, je pense qu'il n'avait pas volé sa place. OK. Sur place. Puis surtout l'adaptation. Rappelle-toi, honnêtement, j'ai pas écouté beaucoup. Là, j'ai même pas suivi du tout ou pratiquement pas le tournoi des grands, mais j'ai écouté le premier match contre le Canada que vous avez présenté en fin de bout. Là. Et... c'est une question de millimètres. Là. Ça aurait pu changer la donne, cette victoire-là. C'est un match que le Québec aurait peut-être même dû gagner. Ouais. On se retrouve avec un dossier de 3-1, puis je pense qu'on aurait pu aisément se retrouver avec de 1-3, puis on aurait pu se retrouver avec une fiche de 3-1. On n'a pas été déclassé, tu comprends? Puis la dernière défaite là, dans le match de classement, là, oublie ça, là, c'est un match qui était pour la foule. Le Québec a tenté des coups quand dans un match normal, on n'aurait pas tenté. Avec tu dis, ah, ils ont fait un bout de 5 points, comment ça se fait qu'ils ont perdu par la suite? Ben, regarde. Les filles sont allées là pour donner un spectacle, là, puis surtout au troisième bout, à un moment donné, elles auraient pu prendre tenter un coup, on garde le marteau, on a encore l'avance, donc on est en contrôle du match. Non, on a essayé un coup spectaculaire, la foule a apprécié, le coup n'a pas réussi, de sorte que ça a donné un gros bout à l'adversaire. On a perdu par la suite, mais ça, c'est un match, comme je te dis, qui était pour la foule. Quand on regarde l'ensemble de la compétition, la dernière journée, le Québec était encore dans le coup. Ouais. Donc, c'est une équipe qu'il fallait prendre au sérieux. Ben, regarde, moi, quand j'ai vu ça, on était tous contents, sauf qu'on a dit ils vont manger des volets là-bas, mais pas du tout. Puis, Non. Puis Marie-France, elle a aussi bien représenté l'équipe que le Québec, que Marie-France Larouche, puis les autres. Puis moi, je vais dire une affaire. Là, la question que je me pose, Alain, puis je les ai posé la question. Tu sais, c'est des juniors, hein, à 17 ans. Tu sais ce qui arrive, c'est il va y avoir le chum va rentrer là-dedans, les études, tout ça. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver, parce que si cette équipe-là réussit à solidifier et à rester ensemble, je pense qu'à quelque part, on va les revoir au tournoi des cœurs. Là. T'es-tu d'accord avec moi? Regarde, moi, ce que je trouve rafraîchissant, outre ça, parce que là, tu parles d'un paquet de facteurs. Là, parce qu'ils ont 17 ans. Oui, ben je pourrais en ajouter d'autres facteurs. Ouais. Le fait de voir de la compétition de plus haut niveau, ça coûte des sous. T'es au Québec, t'es pas au Manitoba. Écoute, à l'intérieur d'un rayon, peu importe où tu te trouves, hein, à l'intérieur d'un rayon de 50 km, tu peux probablement avoir un tournoi à relever là, à toutes les fins de semaine. C'est pas le cas au Québec. Mais il y a une question d'argent, une question d'entraînement, une question d'engagement. C'est surtout là où ça se trouve. Puis comme tu dis, il y en a là-dedans qui vont se retrouver aux études. Est-ce qu'elles seront éparpillées aux quatre coins de la province, rendues au cégep? On ne le sait pas. Quel est le degré d'engagement de chacune d'elles? Même au niveau senior, quand tu te retrouves au niveau adulte, c'est pas facile d'avoir quatre personnes avec le même niveau d'engagement. Donc, quand tu te retrouves à cet âge-là, avec des gens qui sont en train de préparer leur avenir au niveau d'éducation, puis tout ça, tu te retrouves devant un défi. Mais moi, ce que je retrouve rafraîchissant à travers ça, oui, t'as raison, il y a un potentiel. Puis Guy l'a bien souligné dans ses reportages, le potentiel, il n'y en a pas de problème au Québec, il y en a. Puis la preuve, c'est que, regarde, on a bien fait là lors du dernier, avec cette équipe-là, l'équipe gagnée a bien fait. Il faut se rappeler qu'ils n'ont même pas gagné le championnat junior québécois. Donc, il y en a d'autres bonnes équipes au Québec, et ça, ça peut juste aider le développement du curling. Qui a été tenu pendant longtemps par Marie-France Laroche, comme tu l'as mentionné, qui a eu du succès à partir des rangs juniors. Elle a remporté le titre national junior, qui a remporté, qui a monté sur le podium au championnat national également, où à tout le moins elle a fait les quatre dernières. Elle a eu du succès sur le plan national, Marie-France. Et la même chose avec Eve Bellisle. L'an passé, s'est trouvée dans une année très forte. 7-4, elle n'a même pas participé au quatuor final, c'était le cas chez les hommes ou ça avec Jean-Michel. Ouais. Mais non, bref, le plus grand nombre d'équipes de qualité on va avoir, mieux ce sera pour tout le monde au Québec. Ça va juste relever le niveau de jeu. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Et peu importe d'où ça vienne, là, mais évidemment, le développement va passer par un paquet de facteurs. Ça va passer par, évidemment, des heures passées sur les glaces, des tournois plus relevés, le niveau d'engagement de chacun des joueurs, le nombre de facteurs là qui va faire en sorte que cette équipe-là va continuer ou non est énorme. Je pense qu'il faut s'attarder sur ce qui est arrivé au cours de ce tournoi, et même, je dirais, dans les semaines précédentes, pour le développement du curling au Québec, ça ne peut qu'être positif. OK. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. En terminant, Alain, tu me disais que, parce que le tournoi où c'était disputé, c'était à une petite ville, c'est comparable à Alma, à peu près. Tu me disais que ça, tu me disais vendredi avant de rentrer en onde que probablement que ça va être plus accessible maintenant pour ces petites villes-là de disputer des tournois et d'accueillir des tournois de cette envergure-là. Ben, c'est-à-dire, on cherche des endroits où ça va être la grosse affaire. OK. Regarde, cette année, bon, on fait le championnat national senior à Regina. Bon, c'est quand même pas une petite bourgade, Regina, là, on va s'entendre là-dessus. Ouais. Mais, tu sais, tu regardes le championnat du monde cette année. Bon, chez les messieurs, on s'en va à Las Vegas. Las Vegas avait préparé le terrain un peu pour ce tournoi-là. Faut bien être honnête, là, on l'a préparé parce qu'on cherche des événements. Et également, on y a tenu la Coupe continentale pendant quand même quelques années. Donc, et avec quand même, je te dirais, un niveau de succès. Mais, tu regardes où aura lieu le championnat du monde des femmes, c'est au Canada cette année, parce qu'on y a toujours un championnat du monde qui se déroule au Canada. Une année, c'est les femmes, une année, c'est les hommes, et cette année, le volet féminin, ben, c'est à North Bay que ça va avoir lieu. C'est pas à Toronto, Montréal, Vancouver, là. Ça, c'est dans le nord de l'Ontario, ça, hein? Si je c'est ça. Bon, ben, c'est à North Bay que ce tournoi-là aura lieu. Je te dirais qu'il y a un équilibre. Mais bref, ça va être plus accessible pour les villes de dimension grande-moyenne, là. Et ce sera pas seulement l'apanage là, des gros. C'est sûr que, bon, le Saville Center d'Edmonton aura toujours peut-être un avantage, dans le sens où c'est le seul club qui est ouvert là, 12 mois par année. C'est pour ça que tu vois beaucoup de clubs d'Edmonton, comme ce sera le cas encore cette année du côté des hommes avec Brandon Boucher qui a gagné sa qualification. Mais, tu sais, il faut faire attention. Il y a une question, évidemment, de logistique. Ça prend un minimum. À Penticton, bon, on était dans... Faut encore comprendre que c'est une année olympique. Donc, je te dirais que les prérequis pour tenir le tournoi sont pas les mêmes. Okay. Dans une année olympique. Je te dis pas qu'on est moins exigeant, mais c'est sûr qu'on n'a pas le même attrait que lors d'une année non olympique. OK, OK. Hey Alain, mais je me permets une question de baseball, OK? Parce que je suis beaucoup plus à l'aise en baseball. On est à une semaine de l'ouverture des camps d'entraînement. J'en ai parlé souvent avec Mark Griffin quand on parle de baseball, mais je veux avoir ton opinion. À l'heure actuelle, J.D. Martinez. À l'heure actuelle également, Eric Hosmer, Mike Moustakas, Jack Arrieta, Greg Olin, Carlos Gonzalez. Ensuite de ça, quel autre que je pourrais ajouter? Non, toujours pas signé de contrat. À une semaine du camp d'entraînement. Il y a une dizaine de joueurs là, qui n'ont pas de contrat. Et c'est des bons joueurs, c'est des grands, c'est des joueurs excellents. Est-ce que ça commence à sentir la collusion? Non. Non, on a été chaudés, puis je pense pas qu'on aille là. Moi, la raison principale, et j'en ai déjà discuté avec Marc de ça, on a eu de bonnes discussions d'ailleurs. Moi, je pense que c'est l'uniformisation des connaissances en termes de statistiques avancées qui nous a menés là. Et là, je vais m'expliquer, là. J'essayais d'être très succinct là-dedans. Là. Bon, les stats avancées, quand il y a une quinzaine d'années là, avec la... Par Billy Bean. Bon. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les stats avancées, bon. C'est Billy Bean qui a inventé ça. Bon, oui, c'est ça. Billy Bean avec les Aces d'Oakland, ouais. Avec le film, avec le livre. Ouais, bon. Powerball. Trompe-toi pas, ça s'en vient au hockey. Là. Ouais. Écoute, ce qui arrive actuellement, c'est ça. C'est que là, tout le monde s'est en allé là-dedans, à des degrés divers. Mais là, les informations qu'on a commencent à se ressembler pas mal, parce qu'il y a une limite à ce que tu peux avoir comme information. Tu sais, les Astros de Houston, de m'en sont allés dans le volet scientifique. Ça, c'est peut-être la prochaine évolution là-dedans, mais on a pas mal les mêmes données. Et moi, bon, en raison de ma formation en mathématiques, je me suis particulièrement intéressé au fil des ans à ce qui se passe dans ce milieu-là. Depuis très longtemps, celui qui est le gourou des statistiques avancées, c'est Bill James. Et ses études ont clairement démontré que ta période optimale athlétique, c'est entre 25 et 29 ans. Okay. Je te dis pas que c'est le cas pour tous les joueurs, mais je te dirais, en moyenne, c'est ça. Et le problème, c'est que quand tu te retrouves joueur autonome, c'est que t'es pas mal plus proche de 29 que de 25. Oh ouais, c'est sûr. Donc... Si tout le monde a les mêmes données, mais est-ce que tu dis que c'est une bonne affaire de donner un contrat au-delà de ce que tu vas avoir comme rendement sur le terrain? Puis tu regardes historiquement au cours des dernières années, ces contrats-là ont fait très, très mal. Demande aux Yankees de New York le contrat de Jacoby Ellsbury s'il fait pas mal. Non, c'est clair. Donc, son prix avec Ellsbury pour encore 3 ans avec un rendement qui n'est pas à la hauteur du salaire qu'on va lui donner. Tu pourras dire la Prince Fielder. Prince Fielder. Ben, t'as eu Prince Fielder qui, lui, bon, les assurances vont s'occuper du reste de sa carrière puis du reste de sa paye, une partie à tout moins. Mais les exemples sont légion. Je peux te parler, moi, déjà, de Giancarlo Stanton. C'est bien beau. Tout le monde est ravi, puis ça se peut que lui et Aaron Judge deviennent le duo le plus prolifique de l'histoire du baseball majeur. Quoi. Mais il va y avoir des retraits sur 3 prises, hein? Ça va être... Moi, les retraits sur des prises ne me dérangent pas. On est rendu ailleurs là, dans ce genre de statistiques-là. Mais par exemple, juste d'avoir le même genre de saison que ces deux gars-là ont eu l'année passée, c'est peut-être la meilleure saison qu'ils auront jamais eue. Puis dans le cas de Stanton... N'oublie pas qu'il reste encore plusieurs années à ce contrat-là, puis Stanton s'approche à 30 ans. Aaron Judge a commencé sa carrière dans le baseball majeur comme régulier à 25. Il va avoir 29 quand tu vas être joueur autonome. Non, mais moi, Alain, ce qui me fait dire collusion, c'est que là, ce que tu me dis là, c'est que les contrats à long terme, on était chaudés, mais il y a quand même des... J'imagine qu'il y a une offre à quelque part. Les agents, quand ils voient ça, qu'on est à une semaine du camp d'entraînement, là, puis ils doivent s'en douter. Si toi, tu sais, les agents doivent s'en douter aussi. Il me semble que tu devrais avoir des contrats de 3 ans d'abord, mais il n'y a aucune offre. Il y a quelques rumeurs restées là, mais on n'entend pas parler. Il y a des rumeurs, bon. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'offres. Ça, c'est la première des choses. Mais tu regardes quelles sont les équipes qui, généralement, amènent les salaires à un niveau élevé. Ouais. Ça te prend une locomotive pour ça. Les Yankees, les Red Sox, les Yankees, tu regardes qu'ils ont au champ extérieur... Ils ont un surplus actuellement. Tu comprends? Ouais. Ils ont Judge, ils ont Stanton, ils ont Gardner encore, ils ont Ellsbury, mais c'est Aaron Hicks qu'ils veulent avoir au champ centre. Donc, ils ont déjà un surplus de voltigeurs. On va ajouter quoi avec Giancarlo Stanton, avec J.D. Martinez? Ben, je le verrai. Tu regardes avec les Red Sox de Boston. Ouais. Ils ont probablement le meilleur trio défensif de la Ligue américaine. Ils ont Jackie Bradley. Il ne pas, mais il va tellement chercher de balles qu'il compense avec sa défense. Ouais. T'as Andrew Benintendi et t'as Mookie Betts. Donc, t'as 3 jeunes qui ne coûtent pas trop cher, on s'entend, là, pour les 3. Ouais. Et tu vas me dire qu'en frappeur désigné, ben, on a Anley Ramirez. Anley Ramirez qui jouera probablement plus là, au premier but, surtout qu'on a réembauché à la surprise de plusieurs Mitch Moreland. Ouais. Donc, t'as 2 clubs qui, normalement, dépensent beaucoup, pour lesquels il n'y a pas de place. Et je pourrais même ajouter les Angels, qui, historiquement, c'est une équipe qui fait grimper les salaires. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en faisant l'acquisition du japonais Otani. donc, et même Albert Pujols va probablement jouer plus souvent au premier but cette année comme frappeur désigné. Ah. Et dans le champ, il n'y a pas de place pour les... Donc, si tu enlèves de l'équation toutes ces équipes-là, ben, c'est sûr et certain que là, tu viens, la locomotive qui vient traîner toute ta masse salariale et qu'il fait depuis longtemps, si ta locomotive n'est pas là, ben là fait que, tu sais, toutes ces circonstances-là font en sorte que le marché va peut-être pas au goût des agents. C'est tout simplement. Puis une autre chose aussi, je te parle des stats avancés, c'est que tu regardes les directeurs généraux maintenant, comment ils sont nommés et tout ça. Ce ne sont plus des anciens joueurs qui sont des amis des propriétaires, qui sont des directeurs généraux. Ce sont des gens qui sortent des écoles d'administration sportive comme MIT. Ce sont tous de vrais gestionnaires, tu comprends? Ils n'ont pas joué nécessairement, mais qui sont très au fait de la façon de calculer les dollars, de façon de les rentabiliser, de façon à avoir le plus pour moins. Ouais. Donc, quand tu prends ça en considération, tu sais, le moment où tu as un directeur général en entrevue, puis le directeur général te dit, donne-moi une masse salariale de 200 millions, puis je vais te bâtir un club gagnant, je peux te dire que ce gars-là, il est déjà un pied dans la porte avant même d'être embauché. C'est un environnement qui est en train de changer, et comme je te dis, on en parle de baseball, là, rappelle-moi dans 5 ans, puis je te garantis qu'on pourra avoir la même conversation au hockey. Ben, j'espère, Alain, qu'on s'en parlera. On ne prendra pas 5 ans avant de s'en reparler. Là. J'ai aimé ça. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que les stats avancés, ça s'en vient au hockey et peut-être plus vite qu'on pense. Alain, en tout cas, en tant que partisan des Blue Jays, parce que moi, je suis un fan des Blue Jays, je suis pas mal déçu de ce qui se passe à Toronto depuis qu'Alex est parti. Puis heureusement que Vladimir s'en vient parce que. M'a dit dans l'affaire, il n'y aura pas de quoi à se réjouir trop. Ça semble dormir au gaz dans cette organisation-là. En tout cas. Allez, merci. Fais attention. On a quand même acquis Randall Grichuk. Moi, puis Yann Jervis Solarte. Ça va donner un petit peu de profondeur à cette équipe-là qui en a bien besoin. Je pense pas que ce soit si pire dans le sens qu'ils ont encore probablement un des bons personnels de lanceurs partant de la Ligue américaine. Oui, mais c'est parce que. Avec ça. Puis, on s'en donnera des nouvelles. Moi, je suis pas... Il y a des choses qui m'inquiètent un petit peu. Oui, mais on sent pas la même agressivité. On sent pas la même agressivité que dans le temps, c'était Alex. C'est ça que... Tu sais, de cette organisation-là. Ouais. Mais Alex, regarde, Alex a fait ce qu'il fallait faire au moment où il l'a fait. Aujourd'hui, on en ressent, on le savait, parce que il a fait quelques transactions, bon, notamment la transaction de David Price. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont partis, même Troy Tulowitzki, je pourrais ajouter. Je sens qu'on a vidé le réseau de filiales. On a donné beaucoup. Et inévitablement, quand on s'en va dans cette direction-là, ça se peut que notre réseau de filiales, pendant une année ou deux, fournisse moins de bons joueurs. Ouais. Puis c'est là qu'on est avec les Blue Jays de Toronto. Ouais. Et comme tu dis, tu parles de Vlad Junior, là, je pourrais ajouter Bo Bichette aussi. Ah oui, Bo Bichette. Qui en est un autre, là, qui est dans les. Qui sont à peu près, je pense, au même niveau de développement. Là. Donc on pourrait les voir arriver bientôt. Ça passe par là, ça passe par un bon réseau de filiales. Puis, tu sais, regarde les White Sox de Chicago ont eu un creux de vague. Les bras de Tampa. Excellent travail pour regarnir leur réseau. Je sais pas si c'est cette année que ça va produire, mais je te garantis que d'ici 2 ans, là, à moins qu'il y ait des blessures et des déceptions majeures, les White Sox devraient être une force dans la centrale de l'Américaine. Tout comme les Braves d'Atlanta. Merci beaucoup, Alain Hugerot. Les Braves, par exemple, les Braves ont reçu un dur coup, par exemple. Oui, ils ont perdu une dizaine de prospects. Là. Ça risque de faire mal. Alex a pas mal de boulot pour remplacer. Ouais. Certains là, qui avaient été quand même payés à gros prix à cause, évidemment, de tout ce qui est arrivé dans les malversations, dans la signature de ces joueurs latins. Là. Ouais. Alain, merci beaucoup. Très intéressant. J'espère qu'on va s'en reparler. C'est super le fun, les tournois des cœurs. Moi, je connais rien au cœur. J'écoute, j'ai fait mon coming out, mais c'est quand même intéressant ce qui s'est passé avec Mélina Perron. Oui, comme je te disais tantôt, je pense que c'est excellent pour le curling québécois. Ouais. Merci beaucoup, Alain Giraud de RDS.